Bonjour à tous. Message de Victoria, destiné à tous les visiteurs d'Au fil des lectures, aux habitués fidèles, aux auditeurs occasionnels, enfin, à tout le monde. J'anime l'équipe d'Au fil des lectures et j'en assure les publications régulièrement. De graves ennuis de santé m'obligent à suspendre ces activités pendant une période indéterminée. Mais les publications sur Au fil des lectures vont se poursuivre, car elles sont planifiées, jusqu'à la fin du mois de juillet. Au-delà de ce temps, Au fil des lectures restera en suspens, mais ne fermera pas, et vous pourrez continuer à le visiter, à télécharger les quelques 300 lectures déjà à votre disposition, qui ont été généreusement et bénévolement mises en ligne par tous les participants. C'est l'ensemble de cette équipe qui a fait vivre Au fil des lectures jusqu'à présent, et je souhaite de tout cœur que l'aventure continue. Je vous remercie très sincèrement de l'intérêt que vous avez porté et manifesté pour cette petite aventure collective, et j'espère que vous continuerez à venir nombreux visiter le site en attendant qu'il puisse reprendre une activité normale. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je leur souhaite d'excellentes vacances. Portez-vous bien tous. Et j'espère à très bientôt.